salue chaque frère et chaque soeur dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Na lamkia pia banduku na badada ben kutufata ku internet. Je salue aussi les frères et les sœurs qui nous suivent en ligne. Na boni kuna balamkia mungine Yesu Kristo. Et aussi je les salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bila shikukawia tuko na shibama tena. Sans tarder, levons-nous pour la lecture de la parole de Dieu. Tu bebe andiko ile tulibeba jana. Prenons l'écriture que nous avons lue hier. 1 Pierre chapitre 1er. Petro a kwanja, sura a kwanja. Verset 17. Mstari ya 17. Kisha tutachukua tena Hebreu chapitre 13. Et après nous allons prendre wa Hebrenia sura 13. Verset 14. Mstari ya 14. Tunaanzia mbele kuile ya kwanza. Nous commençons avec le premier chapitre. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 17. Pedro Akwanja, sura Akwanja, Moussara Akumina Saba. Et si vous invoquez comme Père celui qui gît selon les œuvres de chacun, na kama munalika ama baba, mwenye kuamua kufatana na tendo wa kila mmoja, sans exception de personne, bila kufanya ubabuzi ya watu, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Jongoze basi na oga wakati yenu ya safari. Tunachukua tena andiko lingine Hebrews chapter 13. Nous prenons wa Hebrania sura 13. Verset 14. Mstari ya 14. Car nous n'avons point ici bas de cité permanente. Kwani hatuna hapa chini na mji alote. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Lakini tuatafuta ile mji itakapokuja. Niko naomba. Je vais prier. Wa milele Mungu wa kumbingu. Éternel Dieu du ciel. Tunakupigia tena asante. Nous te disons encore merci. Asante mkubwa juu ya ishi kuna tukaburia tena. Grandement merci pour la journée que tu nous as accordée. Ni wewe ulituchunga na bujima. C'est toi qui nous as gardé en vie. Na kuitikia tupate kuyapa ifuashi. Et tu as permis que nous venions en ces lieux. Ulisema maneno yako. Tu as dit dans ta parole. Wakati batu bawili au batatu wanakusanyika. Là où deux ou trois personnes se réunissent. Kama ni mungina yako utakuyapa ile fois. Si c'est en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Tuko ba mingi kupita bawili na batatu. Nous sommes plus que deux ou trois personnes. Ushuke basi toka mbingu. Descends du ciel. Na upate kujifunua. Et que tu puisses te révéler. Na utoneshe mapenzi yako. Et nous montrer ta volonté. Tuko napenda Seigneur mwashiku tuko na bujima. Nous voudrions que dans les jours où nous sommes encore en vie, que nous ne puissions pas les faire passer comme des insensés. Parce que yetu, Seigneur, car nos jours buanas sont comptés. Nous ne savons pas quel est le jour où est-ce que nous allons quitter ce monde. Mais pendant ces jours que tu nous accordes, soyons sensés pour nous préparer. Car ces jours-là, quand ça va nous trouver, que nous puissions aller en paix. Nous comptons sur toi dans ces services. Du début jusqu'à la fin, que tu sois glorifié. Tout pour la gloire de ton nom. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est depuis hier que nous parlions sur ces sujets. Nous avons intitulé cela à quoi atuna na muji alote hapa duniani. Jana tulianza kusema hier on parlait que pays dunia tuko bageni na wasafiri. Que sur cette terre nous sommes des étrangers et des pèlerins, voyageurs. Mtoto wa Mungu wote wa biakweri, tout véritable enfant de Dieu anapasha kujua kusema ni mugeni na msafiri. Doit savoir qu'il est étranger et pèlerin sur cette terre. Ju mambo ile yanapita kumbele yetu. Car ce qui se passe, les événements qui se passent devant nous, iko na tuhakikishia kusema mashiku ya mtu pa hii dunia iko vraiment mfupi. Nous certifie que les jours de l'homme sont tellement écourtés sur cette terre. Atuna balote pa hii dunia. Nous ne sommes pas des éternels sur cette terre. Et dans ce monde, ce n'est pas un lieu où nous allons demeurer éternellement. Nous sommes des gens qui vivent dans le temps. Et tout homme qui vit dans ce monde, il doit savoir que ses jours sont comptés. Kumbele ya mashiku yake kuko kistari kile ashita tambuka. Et devant lui, il y a une ligne qu'il ne pouvait jamais franchir. Imashiku Mungu yuko natukaburia ya bujima. Et le jour que Dieu nous a lotis pour que nous restions en vie. Ndio mashiku yetu yote hapa hii dunia hii. C'est cela nos jours que nous devons passer sur cette terre. Ile kila ndugu na kila dada. Ça, chaque frère et chaque sœur. Anapasha kujitayarisha ili akule ataweza kupitisha milele yake. Doit se préparer pour savoir où est-ce qu'il va passer son éternité. Na ndio kwa maana mtoto wa Mungu abia kweli asikalake mukuishi bule. Et voilà pourquoi tout véritable enfant de Dieu ne vit pas en vain. Jana tulianza kusema hivi. Hier nous disions ceci. Tuko naishi pa hii dunia ni juu tupate kukombania ile muji. Nous vivons sur cette terre pour nous battre afin d'acquérir cette ville là. Na kila nduku na kila dada. Et chaque frère et chaque sœur. Inapasha kuya muroho yake ya kusema yuko mubukomvi. Il doit avoir dans son cœur qu'il est préoccupé, il est dans un combat. Bule bukomvi haina kwa kukombanishana shebenyewe. Et ce combat là, ce n'est pas contre nous-mêmes. Ni bukomvi kwa kukombana na mapepo mchafu. C'est un combat mené contre les esprits maléfiques. Juu ya kusema na wewe uingie mwile muji. Pour que toi aussi tu puisses entrer dans cette ville là. Njo kifukujo kile tuko nakyo. Voilà notre objectif. Na wakati tuko naishi nduku yangu na dada yangu. Et pendant que nous vivons, mon frère, ma sœur, mui dunia tuiko. Dans ce monde où nous nous trouvons, amuna kintu kile mtu anaweza kutumainia. Il n'y a rien sur quoi l'on peut espérer. Amuna hata kimoya. Il n'y a rien. Mtu anekalaka naishi pa hii dunia. L'homme vit dans ce monde. Savile Mungu aliumbaka mtu pa hii dunia ni jua aishi milele. Étant donné que Dieu a créé l'homme sur cette terre pour qu'il vive éternellement. Mekisha mtu kuvunja neno ya Mungu. Après que l'homme ait transgressé la parole de Dieu. Mtu anaanza kufua. L'homme a commencé à mourir. Mais ndani yake ko paka na mawazo ya milele. Mais en lui, il a toujours cette pensée d'éternité. Njo ile na kaburi yake mtu. Voilà ce qui donne à l'homme. Mashiku yake naweza kubakia ni mashiku hata mbili. Peut-être il lui reste ne fût que deux jours pour vivre. Mais yeko na mawazo ya mashiku ya mingi. Mais lui a des pensées comme s'il devait vivre éternellement beaucoup na de jours. Na yeko na ba projet milefu milefu. Et il a toujours des projets à long terme. Njo vile mtu anekalaka. C'est comme ça que l'homme se comporte. Tuko biumbe bya wakati. Nous sommes des créatures du temps. Mais tuko na mawazo ya milele. Mais nous avons des pensées éternelles. Maintenant, si ça vile tuko batoto ya Mungu. Étant donné que nous sommes des enfants de Dieu. Mungu atufunuria kila kintu. Dieu nous a révélé toutes choses. Tupate kuya na akili. Que nous puissions avoir de l'intelligence. Ya kujua kusema mui mwili. Pour savoir que dans ce corps. Tuko biumbe bya wakati. Nous sommes des créatures temporelles. Baka vile shiku moya kuku yake pa hii dunia. De la même façon qu'un jour tu n'avais pas été sur cette terre. Kuko shiku moya na weba takuitaka maremu. Il y a aussi un jour on va t'appeler feu tel. Njina yako batasema sima turuku yaka naye. Eh, par rapport à ton nom, on dira qu'il fut avec nous, qu'il était avec nous. Batakutafuta mukambove abata kuonaka. On va te chercher dans la cité de Kambove, on ne va plus te retrouver. Batakutafuta mulikasi abasa kuonaka. On va te chercher à Likasi, on ne va plus te retrouver. Kulubumbashi abata kuonaka tena. À Lubumbashi non plus. Musoko abata kuonaka tena. Au marché, on ne va plus te revoir. Autonekanaka tena pa dunia ya bantu. Tu ne pourras plus apparaître sur cette terre des hommes. Ni juu ya ile shiku ile. C'est à cause de ce jour-là. Parce que mon maisha mwanadamu. Car dans la vie de l'homme. Inekalaka shiku munene. C'est un grand jour. Parce que mtu anapasha kujitayarisha. Car l'homme doit se préparer. Juu kama ile shiku inafika. Si ce jour-là arrive. Atenda wapi? Où est-ce qu'il va aller? Mungu abate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. C'est de cette façon-là que nous devons vivre dans ce monde. Kama tukuna kombana, si nous nous battons, tukombane sana, battons-nous tellement tu ile shiku itukute tayari. Pour que ces jours-là nous trouvent prêts. Apana kuishi mwi dunia sawa mujinga. Il ne faut pas vivre dans ce monde comme un insensé. Unapitisha mashiku yako yote. Tu peux passer tous tes jours mukombania paka bitu bya ofi. En te battant pour des choses viles. Kila ndugu na kila dada. Chaque frère et chaque sœur. Kama réellement tuko na akili paka vile tulisema jana. Réellement nous sommes intelligents comme nous l'avions dit. Parce que Frère Branham yuko nasema. Frère Branham dit que. Mwakati ya Biblia. Au temps de la Bible. Bale bote balikuwa na hekima. Tous ceux qui avaient la sagesse. Bantu ba hekima mwakati ya Biblia. Les hommes sages du temps de la Bible. Balikuwa na juuliza. Ils se demandaient. Bapate kujua kama bujima bunashibama. Pour savoir si la vie s'arrêtait. Bataenda wapi. Où est-ce qu'ils iraient. Mungu abate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Jo bale barikuya na hekima. Voilà les gens qui étaient sages. Mais bale barikuwa babumbafu mu wakati ya Biblia. Ceux qui étaient insensés à l'époque de la Bible. Il vivait vraiment comme des hommes vraiment insensés. Sans s'arrêter, se poser des questions. S'il mourait, qu'est-ce qu'il adviendrait? Pourquoi vous verrez quelqu'un quand il veut mourir? C'est alors qu'il cherche à arranger sa vie. Ce n'est pas une bonne chose, Nduguyangu. Pendant que Dieu te donne encore la force, tu as encore tes bonnes pensées. Voilà le bon moment que tu dois avoir aussi la certitude pour dire que si je mourrais, j'irai me reposer. Tu ne peux pas attendre le temps où tu veux quitter ce monde. Ton esprit bat pour la dernière fois. C'est alors que tu dois chercher maintenant à arranger les choses. Agir de la sorte, c'est agir comme un insensé. C'est la vérité. Nibia Kweli. Que Dieu vous bénisse. Hier, nous avons parlé de la parabole de Jésus-Christ. Il est comme Luc chapitre 12. Qui se trouve dans le kitabu ya Luka 12. Ya ule bwana. De cet homme-là. Ule aliacha mashiku yake yote. Qui a laissé tous ses jours. Dieu a kutafuta bintu bya pai dunia. En cherchant les choses matérielles de ce monde. Aritumika sana. Il a beaucoup travaillé. Anapata mali. Il a eu de bien. Anaweka na ingine kuma bank. Il a mis d'autres dans des comptes en banque. Anakuwa mutu wakavumu musite. Il a eu une grande renommée dans la cité. Bantu bote barianza kumuyua. Tout le monde parlait de lui. Alikuwa mutu wa valeur. C'était un homme de valeur dans ce monde. Mungu bote mbariki. Que Dieu vous bénisse. Parce que mui dunia. Car dans ce monde. Bale banonekana kuya na bei. Ceux qui paraissent être précieux. Ni bantu bale beko na mamoye ya makuta. Ce sont des gens ayant l'argent et ayant des moyens. Bale beko na manyumba mizuri. Ceux qui ont de belles maisons. Beko na mapo. Ceux qui ont des postes, de bons postes dans des travaux. Voilà les gens qui sont très connus facilement dans la cité. Voilà des choses qui étaient préoccupantes dans le cœur de cet homme-là. Pendant ce jour, il avait négligé Jésus-Christ. Mais il avait commis une grosse erreur. Que Dieu vous bénisse. Quand bien même tu t'enrichissais dans ce monde, même si tu prospérais dans ce monde, dans le business ou au travail, dans ce monde, il n'y a rien qui soit essentiel de plus que Jésus-Christ. Ça n'existe pas. Que Dieu vous bénisse. Parce que Yesu njo anapasha kuya. Car Jésus. Manga iko ya kwanza ya kila ndugu na ya kila dada. La préoccupation de chaque frère et chaque sœur. Kama unakufwa. Car si tu mourais. Autaenda na gari. Tu n'iras pas avec ta voiture. Autaenda na manyumba. Tu n'iras pas avec tes maisons. Autaenda na makonto ku banki. Tu n'iras pas avec tes comptes en banque. Autaenda na bile bintu. Tu n'iras pas avec toutes ces histoires. Mais njo ile ilikuwa manga iko ya ule mtu. Mais voilà ce qui était une préoccupation pour cet homme. Il avait tellement prospéré. Il avait beaucoup de biens. Mais il avait oublié son âme. Et Jésus-Christ l'appelle qu'il était insensé. Que Dieu vous bénisse. Il était tellement insensé. Frère Branham dit que il est comportement où Bwana réaffiche. Il est moyendo où Bwana alikuwa nayo. C'est comme ça que l'âge de l'Odyssée se comporte. Que Dieu vous bénisse. Il avait eu la chance dans sa vie. Dieu a coulin dans nafsi yake pour sécuriser son âme. Mais il était insensé. Il avait négligé ce qui était essentiel. Il n'y a rien qui soit essentiel, important comme Jésus-Christ. C'est la vérité. Libya Kweli. Si quelqu'un reçoit Jésus-Christ, en lui, il a maintenant l'éternité. Même s'il mourait, dans n'importe quelle circonstance, il peut mourir dans ce monde. Si quelqu'un a l'éternité en lui, c'est-à-dire qu'il ne pourra jamais se perdre. Voilà ce qui est très essentiel. C'est la vérité. Libya Kweli. Frère Branham dit que même si j'allais au ciel pour demander à Michael, Gabriel, qu'est-ce qui est très important Mouakiba ya Mungu dans les trésors de Dieu, tous me diront que c'est la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Voilà ce qui est essentiel. Et s'il y a quelque chose pour laquelle l'homme doit se battre dans ce monde, il devait se battre pour cette chose-là. Et non se battre pour des choses viles. Mais considérez maintenant ce que l'âge de l'Odyssée. Observez comment est-ce que les frères et sœurs se comportent. Connaissant bien qu'ils sont des êtres temporels. Mais maintenant vous vous demanderez toute l'énergie. Ils les consacrent à quoi? C'est une question. En quoi ils consacrent toute leur force? Aïe à l'Odyssée, frère. Kizazi à l'Odyssée en Douku. Ni kizazi kimoya kiko tellement distrait ila una nayo ide. Ni kizazi kia kulengama sana, tu ne peux même pas y penser. Sasa bile bantu beko na kombania leo mudunia. Aujourd'hui, les choses pour lesquelles les gens se battent dans ce monde. Abiweze kubasaidia kama bujima buna shibamu. Ça ne peut même pas les aider aussitôt que la vie s'arrête. Bantu beko na kombania bitu bia boule sana. Les gens se battent pour des choses moins importantes. Parce que huyu kiana huyu. Car ce jeune homme. Jo pako le tuko na kunda tena Mulik chapitre 16. C'est le même jeune homme que nous retrouvons kitabu ya Luka 10. Verset 19. Mustara 19. Alikatala Yesu Kristo. Il avait renié Jésus-Christ. Jo apa de tuvumu. Juste pour garder sa renommée. Alikatala Yesu Kristo. Il avait renié Jésus-Christ. Jo ya mali. À cause de bien de richesse. Leo hii angalia christianisme ya leo. Kuangalia ki christiani kia leo comment est le christianisme. Kila mtu yuko napenda. Tout homme voudrait qu'il paraisse. Que Dieu vous bénisse. Même s'il veut faire quelque chose, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire quelque chose dans l'humilité. Tout homme voudrait faire quelque chose. Là où il y aura quelqu'un d'autre qui va vraiment le vanter. Ni esprit yaiki kizazi. Ni roi yaiki kizazi. C'était l'esprit de cet âge ici. Est-ce que tu comprends? Sommes-nous ensemble? Voilà l'esprit de cet âge. Maintenant, si un homme agissait de la sorte, il espère en quoi? Et quelle sera sa fin? Tu rejettes Jésus-Christ à cause de ta renommée. Tu cherches toujours à apparaître. Regarde, mon frère, regarde ma soeur. Voyez-vous dans les affaires de Dieu? Tout ce que nous faisons dans les affaires de Dieu, si dans ton cœur s'élève Romoya, quand tu fais quelque chose, il faut que quelqu'un cet esprit-là, c'est un mauvais esprit. Est-ce que tu est-ce qu'on est ensemble? Tu fais quelque chose en cherchant ce qui est quelqu'un qui vient te jeter des fleurs. Ça, ce n'est pas un comportement de Dieu. Car dans tout ce que nous faisons dans les affaires de Dieu, il y a toujours une récompense qui nous attend. Maintenant, si toi tu faisais quelque chose, afin que telle personne vienne te vanter, te jeter des fleurs, la Bible dit que les fleurs qu'on est tenté de jeter sur toi, c'est ta récompense que tu reçois. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà ta récompense. Dieu ne te paiera pas. Alors pour ce que tu travailles, pour que quelqu'un d'autre puisse te vanter. Voilà comment est l'âge de l'Odyssée. Les gens veulent avoir des grandes églises. Voyez-vous comme vous avez construit cette église ici. Oh non, toutes les églises, nous les avons déjà foulées au pied. Ni esprit ange à l'Odyssée. De telles pensées dans vos esprits, vous n'êtes pas différent de ceux qui sont mutajiri. Et vous avez déjà reçu votre récompense. Est-ce qu'on est ensemble? Où est-ce que toi tu pries? C'est dans ce tabernacle-là de la route. C'est un tabernacle. Il n'y a pas de pareil dans la cité de Kambov. Là, tu as déjà ta récompense. Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous comment est l'Odyssée? C'est un âge où les gens ont quelque chose juste pour paraître. Il est comportement à une amusuri. Et un tel comportement n'est pas correct. Que ce soit dans les frères ou du côté des sœurs, les combats que nous menons, c'est à quoi Moussaoua na Yesu Christo. Si la vie s'arrête, que je sache ma destinée. Voilà notre combat. Que Dieu vous bénisse. Parce que angaria frère. Car regardez, Duku. Akuna fuaji mui dunia hii. Il y a pas un endroit dans ce monde. Mule tutekalaga benye kuturizana. Où nous pourrions y être tranquille. Akuna ta fuaji. Ça n'existe pas. Akuna. Ça n'existe pas. Aina fuaji ya mtu kuwekea kitumaini. Ce n'est pas un endroit où l'on peut espérer. Ata mala moya. Jamais. Ni kama uko mtoto wa Mungu abia kweli. Si tu es véritablement enfant de Dieu. Una pacha kujikomporter mu dunia. Tu dois te comporter dans ce monde. Sawa mukeni na msafiri. Comme un pèlerin et voyageur. Hakuna gagabaila. Il n'y a rien de bon. Hakuna kilo rileta. Il n'y a rien que tu as apporté. Na hakuna kilo tabebaka mu dunia. Et il n'y a rien que tu emporteras. Siku ya wewe kutoka utatoka wewe peke. Au jour de ton départ, tu iras seul. Bwana yako atabaki. Ton mari va rester. Bibi yako atabaki. Ta femme va rester. Na batoto yako wale ulipendana sana. Et tes enfants que tu as aimé tant vont rester. Utaenda na nini? Qu'est-ce que tu vas aller avec? Wakati neno ya Mungu pale kuna ubiriwa. Pendant que la parole de Dieu est apportée. Wewe uko na sula sauti ya Mungu. Toi tu négliges la parole de Dieu. Utaenda na nini? Tu iras avec quoi? Kizazi cha Laodikia. L'âge de Laodicée. Ni bantu bamoya. Ce sont des gens qui ba hypocrite. Ba unafiki ba mauso mbili. Est-ce qu'on est ensemble? Ils veulent bien apparaître. Et à Indier. Et quand vous les observez, vous croirez qu'ils sont des hommes de Dieu. Alors que ce sont des malheureux. Nombreux de ceux-là qui écoutent cet évangile. Mais ne s'arrête pas pour se demander si il y a des gens qui ne savent pas qu'on y va tenter qu'ici à Niwapi. C'est grave ça. Mais à Tari, il est. Comment est-ce que tu vis dans ce monde? Tu es insensé. C'est la vérité. Ni bia kweli. Haujue destinée yako. Haujue mwisho kunyo tena kuisha ni wapi. Haujue maisha yako kama unakufa. Kama unakufa hata imangari. Même ce soir. Kule utaenda huyue. Où est-ce que tu vas aller? Quelle sera ta destinée? Aina mzuri nduku. Hapana dada. Non ma soeur. Shia tu basa kuishi mwile namna. Nous ne devions pas vivre de la sorte. Na njo kama nako naona leo hii. Vous voyez aujourd'hui. Batu beko naishi tu na negligence. Les gens vivent mkusula. Na légèreté mu mambo ya Mungu. Na chilio dans les affaires de Dieu. C'est parce que batu. C'est parce que les gens. Position ils ne savent pas quelle est leur position. Ils ne savent même pas d'où ils viennent. Où est-ce qu'ils sont arrivés. Ils ne savent même pas où est-ce qu'ils vont. Ils ne savent même pas s'il mourait où est-ce qu'il va aller. Si quelqu'un vivait Mwile Hali, il vit comme un insensé. C'est la vérité. Ni bien kweli. Mtu nafsi yake iko yenye kuluwe kwa mfer. Nafsi yake inafungwa na mungeena. Parce que maisha ile mko naishi. Car la vie que tu mènes nduku. Iko na kuonesha kule utaenda kama unakufa. Montre où est-ce que tu vas terminer après ta mort. C'est pourquoi mtoto wa Mungu abia kweli. Mais tout véritable enfant de Dieu. Anekala kananza kufikiri. Il médite. Juu ya sort yake kama bushima mnashibamu. Alors quel sera son sort une fois que la vie s'arrête? On a pas kushibamia kusema que. Non, tu te tiens là, c'est pour dire que non. Cette année, si Dieu nous a bénis. Pour avoir mingi mingi. Nous avons récolté beaucoup de maïs. Dieu nous a bénis. Angaria frère. Regarde mon frère. Mungu anekalaka mukubariki hata bapagano. Dieu bénit même les païens. Est-ce que toi moi? Est-ce qu'on est ensemble? Mungu hata bapagano anabariki. Dieu même les païens, il les bénit. Aina kusema kama Mungu anakubariki mu mwili. Si Dieu te bénisse matériellement. Ndio alama ya kusema kwa mwenye kuokolewa. Tu es déjà sauvé. Ni bia bongo. C'est faux. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que huyu kijana huyu. Ce jeune homme ici. Bien qu'il ait rejeté Mungu. Bien qu'il avait rejeté Dieu. Mais Biblia konasema. Mais la Bible témoigne mali yake ni prosperaka. Il avait prospéré. Il endeleaka. Ah, il avait prospéré. Alikuwa na kavumu mumukini. Il a eu une grande renommée dans la cité. C'était un homme bien connu. Mais alikatala kitu kya kabaila. Mais il avait rejeté la chose la plus précieuse. Nikosa munene frère. Voilà la grosse erreur nduku. Nikosa munene dada. C'est une grande une mutoto wa Mungu abia kweli. Un véritable enfant de Dieu. Eko naishi. Il vit. Mukwangaria kama anakufa. En observant s'il mourait. Parce que l'ufo lulaka. Car la mort ne promet pas. Ça ne peut pas promettre. Nous vivons dans ce monde ici, dans ce corps. Ce n'est pas tellement vraiment stable, efficace. C'est une vie vraiment éphémère. Vous pensez qu'il est en bonne santé, qu'il est bien. Il a une maladie peut-être qu'il s'ignore. Nous tous, tels que nous sommes assis ici, si on allait au labo pour nous examiner, nous tous, nous sommes malades. Quelle est cette cité-là en laquelle tu espères? Là où tout le monde est malade, tu dois avoir la répugnance à l'égard de ce monde. C'est la vérité. Nibiakweli. Leo batoto bana gonjo. Aujourd'hui les enfants tombent malades. Demain c'est le mari qui tombe malade. Et là toi tu bila kushituka juu ya bujima bwa. Ça te soucie de ta vie. Hapana frère. Non nduku. Hapana dada. Non ma sœur. Kila nduku na kila dada. Chaque frère, chaque sœur. Alipasha kwanza kushimama. Devrait s'arrêter. Na kujiuliza kama bujima bwa ke unashimama tenda wapi? Si ta vie s'arrêter, où est-ce qu'il va aller? Atenda wapi? Quelle sera sa destinée? Kama anakufa atenda wapi? Où est-ce qu'il va partir? On en a mouakati à Bible. Ouais, vale, la Bible, ceux qui avaient compris, les gens sages, Moutoussa Abraham, un homme comme Abraham, frère, sachant très bien que dans ce corps, il n'y a rien à espérer. Il n'avait pas voulu la renommer. Il vivait dans ce monde. Juste en montant des tentes. C'était ça, son abri. C'est que combat yake. C'était pour qu'il puisse entrer dans cette cité-là. C'était ça son combat. Et non, toi, Bukonvi la combana. Tu te bats encore juste pour commettre le péché. Tu te bats contre les frères et sœurs. C'est grave. Ni Atari. Que Dieu vous bénisse. Regarde mon frère. Regarde ma soeur. Si nous tous nous avions la nature qu'avait Abraham. Parce que Abraham au Bible qu'on a muita Est-ce qu'on est bien ensemble? Si aujourd'hui nous voyons encore la foi. Dans les frères et sœurs. Nous devons la comparer à celle d'Abraham. Lui, comment est-ce qu'a-t-il vécu dans ce monde? Et nous, comment est-ce que nous vivons? Et en quoi est-ce que nous espérons si jamais nos jours s'arrêtaient? Est-ce qu'on est ensemble? Il faut nous devons comparer notre foi à celle d'Abraham. Parce que aujourd'hui, les gens disent, oh non, la civilisation a tellement avancé. Nous ne pouvons plus vivre dans les temps. Oui, nous ne pouvons plus vivre sous les temps. Car nous avons des maisons. Il voulait toujours entrer dans cette cité-là. Et c'est la préoccupation pour chaque soeur. Il a placé toute sa vie en obéissant à la parole de Dieu et en espérant entrer dans cette cité. C'est la vérité. C'était ça sa vie. Et non, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. L'âge de l'Odyssée où il n'y a que les hypocrites, bantu banafiki. Qui aimeraient que les gens les traitent de chrétiens. Alors que leur vie. C'est la vie du diable. Mais toujours dans l'église. Frère. Il y a des gens d'Uku. C'est une semence du diable, disons-le. Ils vivent dans l'église. Mais là, si vous observez les actes qu'ils posent, ni Satan, ni Shetan, ni tout. Que Dieu vous bénisse. C'est le diable qui pose des actes dont le diable n'avait même pas commis. Quelqu'un est dans l'église. Mais si vous observez son caractère, sa conduite, c'est un méchant comme le diable. Dites-moi si un tel homme mourait, il espère en quoi? En quoi est-ce qu'il espère? Si la Bible dit que les actes de tout homme l'accompagnent jusque là où il va aller. Si tes jours s'arrêtent, si tu es un orgueilleux, tu vas aller avec ton orgueil. Si tu es un méchant ou qui hait les gens, les autres, ces choses-là, tu ne vas pas les laisser à quelqu'un d'autre. Tu iras avec ça. La question que tu dois te poser, le caractère que tu as, alors si tu mourais, où est-ce que tu vas aller avec un tel caractère? Où est-ce que tu iras avec cette conduite? Tu iras au paradis? Ou soit tu vas aller dans les séjours de mort? Non, Nduku. Non, ma soeur. Chaque frère et chaque soeur devrait se poser cette question. Quel est le but poursuivi dans son cœur? Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, Ndoukou. Là où le christianisme, un chrétien, ça ne pouvait pas être nommé dans sa vie. Non. Un véritable chrétien, si quelqu'un est sauvé, il va de l'avant, il grandit, il croit. Mais il y a certaines choses, Ndoukou, Léo, ça ne pouvait même pas être cité dans la vie des chrétiens. Voilà pourquoi il y a certains gens qui sont déjà scellés par le diable. Quelle que soit l'ampleur de l'évangile, ils ne pourront jamais changer. Ils ne pourront jamais changer. C'est la vérité. Ni bia kweli. Ni bandu benye barikuya pai dunia. Ce sont des gens qui sont venus dans ce monde. Jou bende baka hukumiwe. Pour qu'ils aillent être au jugement. Bende baka hukumiwe. Qu'ils soient condamnés. Na Biblia kuna sema ni mujide. Il y a des gens qui se sont infiltrés. Maintenant, alors leur condamnation avait déjà été inscrite il y a si longtemps. Il n'y a pas moyen de changer une telle personne. Lorsque l'évangile est prêché, et il voit les gens avec qui nous vivons qui meurent devant lui, il voit cela. Les enfants des frères, les épouses des frères, les frères des frères, et même ceux qui sont des frères en Christ et sœurs en Christ qui nous laissent. Mais un méchant continue toujours dans la méchanceté. Il est vieux qu'on a eu. La vie là que tu mènes, pose-toi la question. Si tu mourais soit par accident, ou soit si tu mourais la nuit, ou soit des bandits entrés chez toi. Dans le monde où nous vivons aujourd'hui, il n'y a pas de sécurité à Muna Ukingo. Ça n'existe pas. Où est-ce que tu iras avec une telle vie? Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, nous devrions nous battre de manière à ce que toutes les choses de ce monde puissent disparaître en nous. C'est la vérité. Il y a quoi, parce que tu es vraiment léger. Tu ne peux pas te croire bébé si. Car si la vie nous quittait, je sais où est-ce que je vais aller. Comment expliquer un homme peut écouter ce message? Il est dans l'église. Mais il a encore la peur vis-à-vis de la mort. Regarde mon frère. La peur de la mort, il y a l'âme à Mouba, c'est un mauvais signe. Est-ce qu'on est ensemble? Dans ta vie, tu as encore tellement peur de la mort. C'est un mauvais signe. Il faut qu'on m'amène. Tu dois prier Dieu. Parce que car si Dieu sauvait un homme, il a toujours ôté en lui la peur de la mort. Il ôte en lui la peur de la mort. Tu as peur de la mort, c'est parce que tu as une mauvaise vie. Voilà qui crée en toi la peur, car si tu mourais, tu iras dans la perdition. Même si les prédicateurs prêchaient, venaient prêcher à ton deuil. Et tu tapa. Mais la vie que tu menais, c'est elle qui va t'accompagner. Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité. C'est pourquoi raison pour laquelle toutes les fois que nous sommes en vie, chaque fois que nous vivons, ma soeur, nous arrêter et nous demander si je mourrais, où est-ce que j'irai. C'est la vérité. Chaque frère et chaque soeur devait vivre de cette manière-là et examiner s'il mourait, où est-ce qu'il va aller. Car si tu mourais dans cet état où tu te retrouves aujourd'hui avec ton mauvais caractère, ce sont des gens qui t'appellent homme de Dieu. Mais toi-même, tu te connais que tu es un fils du diable. Tu es un fils d'un serpent. Tu as la nature d'un serpent. C'est la vérité. Nibakweli. Comment est-ce que tu peux vivre de cette manière-là? Toi, tu sais très bien que tu es un homme qui vit dans le temps temporel. Tu es insensé. C'est la vérité. Libé à Kweli. Tu devrais te demander et te préoccuper pour ton âme. Et savoir que moi, je suis une créature du temps. Si tu mourrais, tu vas te perdre. Et tu as déjà écouté la parole de Dieu. Cette parole de Dieu que nous entendons, c'est la même parole que ceux qui nous ont précédés avaient écouté. Voilà pourquoi ils n'ont pas trouvé de quoi se préoccuper dans ce monde. Non, Ndoukou. Tu vis en négligeant la parole de Dieu. Tous les mauvais actes du diable, mondain, païen. Voilà que tu mènes étant dans l'église. Tu es une semence du diable. Parce que car ta méchanceté et ta mauvaise conduite, si tu mourais, vont te conduire dans la perdition. Ça va te conduire dans la perdition. Oui, frère. Dis pourquoi tu ne t'arrêtes pas et te poser des questions sur ta vie? Si quelqu'un s'arrête et se demande s'il mourrait, quelle sera sa destinée? Il doit changer sa conduite. C'est la vérité. Il y a quoi? Que Dieu vous bénisse. Oui, frère. Diondoku. Tu vis avec l'orgueil. Même si on te disait quelque chose. Même si tu écoutais la parole de Dieu. Toi, tu es toujours indifférent. C'est parce que tu vis comme une bête. Tu ne vis pas comme un chrétien. Car une bête, même si vous l'interdisez, c'est là où il va encore retourner. C'est une bête. Un enfant de Dieu, Ndoukou, il sait ce qu'il fait. Sommes-nous ensemble? C'est-à-dire, si toi tu vis, incapable de te tirer de cette mauvaise vie, là tu es possédé par l'esprit bestial. C'est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Moi j'ai fait de tout mon mieux, je n'ai pas réussi, j'ai échoué. J'ai fait beaucoup d'efforts, mais tu n'es pas de la race des humains. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que murasi ya bantu. De la race des humains. Dieu l'a doté l'équipe Ndaro. Voilà ce que Dieu l'a doté. C'est le libre arbitre. Tu as le libre. Kati ya bantu. Parmi les gens, l'homme ne peut pas dire que non, moi, j'ai échoué de faire ceci. Ah. Non. Est-ce qu'on est ensemble? Ya bantu. Dans la race humaine, atasema, l'homme dira, bon, kile kitu ni kingariki na kipenda. Cette chose-là, je l'aime encore. Njoko mana niko na kifua. Voilà pourquoi je continue à faire cela. Est-ce que tu es pamoja? Est-ce qu'on est ensemble? Cette vie, yote ile wako naishi. Toute vie que tu mènes, ni ile wewe unapenda. C'est celle que tu aimes. Hapa na kusema sema mimi nashinda kuacha. Je n'ai pas réussi à abandonner. Hauna nyama. Tu n'es pas une bête. Est-ce qu'on est ensemble? Tu es un être humain. Tu Mungu alikukaburiaka mapenzi ya kuchakula. Ton libre arbitre. Ukingariki na chukia bantu. Tu hais les gens. C'est parce que tu aimes la haine. Que Dieu vous bénisse. Tu as la conduite qu'avait ton père le diable. Nyoka. Le serpent. Assassin. Mouwaji. Mutu mubaya. Un homme méchant. Que Dieu vous bénisse. Ungana shimanga ba frère. Tu me dis encore Ungana les frères. Tu me dis les sœurs. Ya baba yako nyoka. Tu as l'esprit de ton père serpent. Satan. Shetan. Assassin. Mouwaji. Mutu mubaya. Un homme méchant. Kama unakufwa, si tu mourais, uko naenda ku séjour de mort. Unaenda mahali ya wafu. Bien que tu aies écouté la vérité. Utapotea. Tu vas te perdre. Aina mimi nakupotea. Ce n'est pas moi qui t'amène à la perdition. C'est toi-même qui t'amène dans la perdition. Parce que kupotea na kuokoka. La perdition et les saluts. Kuko mpouvoir ya mtu. Biko muwezo ya uchakuzi ya mtu ye moya. C'est la vérité. Dès que nous sommes assis ici, chaque frère, chaque soeur peut se décider pour dire si la vie s'arrête là où il va passer son éternité. Tel que nous sommes là. C'est pourquoi chaque frère, chaque soeur de faire ce que bon lui semble. Parce qu'il sait où est-ce qu'il va terminer avec ça. Tu vis la vie de la débauche. Tu sais où tu vas parce finir avec ça. Ina wakati, car les problèmes n'est pas le moment où tu commets les péchés. Ah, non. Mambo ni kule utaishia na ile mambo. C'est là où tu vas finir avec ces péchés. Kama upende kutubu. Si tu n'aimerais pas te repentir. Est-ce que tu es pamoja? Est-ce qu'on est ensemble? Mambo ni kule utaishia. Les problèmes, c'est là où tu vas finir avec we ça. Unaona kusema sema toi, tu penses que tu es vraiment malin. Unalanda bazazi. Tu trompes les parents. Unalanda ba frère. Tu trompes des frères. Unalanda kanisa. Tu vas à l'église. Unalanda ba pasteur. Tu vas au pasteur. Mais il y a une seule personne à qui tu ne peux pas mentir. Est-ce qu'on est ensemble? Tout ce que tu as toujours fait dans la duplicité en cachette, Dieu te voit. Est-ce qu'on est ensemble? Tout ce que tu as toujours fait dans la cachette, en cachette, même ce que tu as toujours dit dans le coin de ta maison, Dieu du ciel t'a toujours vu. Si tu trouves cela, Il n'y a rien qui peut se cacher aux yeux de Dieu. Tu te casses aux yeux des frères. Tu te casses aux yeux des hommes. Mais l'évangile, tu es à découvert. Et tu as aussi ce que tu recevras dans ce que tu fais. Car tout ce que fait l'homme, ça a toujours une récompense. Tu te bats pour commettre un péché. Le péché aussi a une récompense, a son salaire. Que Dieu vous bénisse. Et la Bible dit, moi, Romain, le salaire du péché, c'est la mort. Et cette mort dont Romain parle, c'est une perdition éternelle. Là où tu ne te verras plus avec Dieu. Il n'y a personne beaucoup ayant le bon sens peut accepter s'il mourait qu'il aille dans la perdition. Personne ne peut accepter cela. Mais comment expliquer un homme peut vivre dans ce monde comme une bête? Non, Ndoukou. Non, ma soeur. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous vivons dans ce monde. Moukouchi t'a riche en se préparant. Si je mourais, que j'aille au repos, avait eu la chance dans ce jour d'aller là où les gens qui sont perdus vont. Frère Branham dit ceci. Les tourments qui se trouvent dans cet endroit-là ne sont jamais montés au cœur des hommes. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu vis, fais de tout ton mieux. Même si on te disait de te tremper dans l'huile chaude, même si on prenait un métal chaud pour te percer, accepte cela, mais n'accepte pas d'aller dans le lieu de tourment. Mais il dit que à cet endroit-là, il est allé trouver des gens maquillés, Bakuji Penta. Savez-vous que si une femme a Bakuji Penta, elle est influencée par les esprits de séjour des morts? Les gens, ce sont les prédicateurs qui prêchent seulement comme ça. C'est-à-dire, si quelqu'un s'ambifie, il va changer son teint, voyez un frère, il s'ambifie, il change de teint. C'est-à-dire, l'âme de cet homme-là est déjà clouée là-bas. Voyez-vous, que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup d'actes que les gens commettent sur cette terre. Il va identifier Wazi, leur destinée. Tu prends seulement la poudre. Tu penses qu'il n'y a pas de problème. Tu t'appliques la poudre. Mais tu ne sais pas qu'il y a un esprit quelconque. Et cet esprit-là, ça a son origine. C'est de là que vient. Ça t'a poussé aussi à t'appliquer la poudre. Ça va t'influencer pour que tu puisses te maquiller. Et si tu mourais, tu vas te retrouver dans cet endroit-là. Que Dieu vous bénisse. Même quand tu t'habilles, il y a des esprits qui viennent de là pour venir dans ce monde. Des fois, quand tu t'habilles, il faut ouvrir les sables à la télévision. Tu t'habilles comme les gens à la télé s'habillent. Il faut ouvrir les sables en double. Tu t'habilles comme des prostituées. Pourquoi esprit moyen qu'on a couru à quoi en faire? Un esprit quelconque qui vient de l'enfer. Que ce jour de mort. Il a tout comme aller à voir. Il est qu'on a influencé vie à quoi? Il a ça vous ta maïsha à quoi qui influence ta vie? Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu regardes cette soeur-là, dans ton cœur-là, tu la hais. Tu es influencé, elle est un peu mouchafou, y'a maali yawafu. Est-ce qu'on est ensemble? C'est une chose que l'on fait sur cette terre, Ndoukou. Que ce soit dans les actes, que ce soit dans ses pensées, que ce soit même verbalement dans les propos. Ça a toujours été influencé de quelque part. Est-ce qu'on est ensemble? Tout acte que tu poses dans ce monde ici, ça a une influence qui vient de quelque part. Yote, frère. Yote, tous les actes, même si tu payais une mallette, tu commences à marcher, il y a toujours une influence qui vient de quelque part. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, tout véritable chrétien, il faut avouer en ambing. Il doit être influencé par le ciel. Voilà un véritable chrétien. Non, là. Voyez-vous? Mon Christ, un chrétien qui ne fait pas bitu ovio ovio tout à panne. Ça, ce n'est pas la façon d'agir d'un chrétien. Même si tu veux parler, tu parles au sujet d'un frère ou d'une sœur. Un chrétien, même par ses paroles, il prend tout son sérieux quand il veut parler. Parce que Shetani, car le diable, il sait toujours glisser ma domaine. Tu peux dire quelque chose, mais influencé par l'esprit de ce jour de mort. Ce n'est pas une bonne chose. À peine que tu termines de parler, à peine que tu termines de poser cet acte, et tu meurs, tu es perdu. C'est pourquoi raison pour laquelle chaque frère et chaque soeur, mbele ya kupoze acte yote, il doit avoir encore la certitude que ça, c'est la volonté de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la vérité, frère. Tu ne peux pas agir avec légèreté. Un enfant de Dieu n'agit pas avec légèreté. Parce que tout ce que nous faisons, ça a toujours été influencé de quelque part. Il n'a pas été influencé de quelque part. C'est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Tu parles ayant une influence venant de quelque part. Mais si toute ta vie est influencée par le diable, c'est-à-dire il y a de certaines gens, tu ne peux pas dialoguer avec lui, s'entretenir avec lui sans que tu puisses t'achoper. C'est grave. Ni Atari. Gens, quand il parle avec toi, il parle avec toi de manière assez, comme si il a fait kogopesha. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté de tels gens. Ce sont des gens qui, dans ce monde, ont une certaine influence satanique. Un homme qui vit avec sa femme, la femme vit avec son mari, mais la femme a toujours cet esprit d'étonner sur son mari. Ce n'est pas pour rien. Vous voyez une telle femme, ce n'est pas en vain, ce n'est pas pour rien. Elle est influencée. Est-ce que tu Est-ce qu'on est ensemble? Il n'y a pas moyen. Toute sa vie est influencée de quelque part. Quand elle veut parler à son mari, elle doit parler de manière à tonner sur son mari. Est-ce qu'on est ensemble? Mais elle est toujours chrétienne dans cette église. Non, ma soeur. Il y a d'autres. Quand il commence à parler, il n'aimerait pas ce que je suis mamie, ni Satan, ni diable. Est-ce qu'on est ensemble? Quand lui commence à parler, de telles sœurs, ce ne sont pas seulement les sœurs, même des frères aussi. Quand il commence à parler, même si vous êtes en groupe, il ne peut pas vouloir assez qu'on puisse l'interrompre. C'est la vérité. Oui, frère. Ndio nduku. Leo hii uko naona christianisme iko kile iko. Waye koma ile christianisme. Où est-ce qu'ils vont? Si tu mourais dans cet état-là, où soit toi, ma soeur, où est-ce que tu iras? Avec la vie que tu mènes, tu vis avec ton mari, tu cherches toujours à kumutawala bwana. Toute femme qui ne veut pas, c'est que son mari puisse dominer sur lui, et hana mukristu ni pepo mchafu. Elle n'est pas une chrétienne, c'est un démon. C'est la vérité. Ni bia kweli. Mungu abade mbariki. Que Dieu vous bénisse. Na boko bengine beko na mapepo ya Badalila. Et d'autres, boko na ile mapepo ya Badalila. Boko naona mwanamke boko na bwana yake munyumba. Ouais, la femme avec son mari dans la maison. Eko namwambia kusema. Elle dit ceci à son mari. Mimi naona tu sawa wewe unipendaki. Je trouve que toi tu ne m'aimes pas. Frère, kama mtu anakuambia vipi? Si une femme te disait cela, il y a toujours quelque part d'où vient cette influence-là. Que Dieu vous bénisse. Regarde, mon frère. Si quelqu'un quittait chez toi, il te dit non, je veux épouser. Il jette le regard à gauche, à droite, il jette ses yeux. Il prie Dieu. Anasema mimi tamuoa huyu. Et au finish il se décide que moi je vais épouser celle-ci. Mungu akubariki. Que Dieu vous bénisse. C'est que roho yake alimpenda. Dans son cœur, il t'a aimé. Est-ce qu'on est ensemble? Mais comment? Si vous évoluez, peut-être que ma femme arrive dans votre parcours. Moi, j'ai toujours trouvé que tu ne m'aimes pas. Il trouve que tout homme sérieux, de telles paroles-là, il s'en étonne. Est-ce qu'on est ensemble? Que Dieu vous bénisse. Ces propos viennent de quelque part. Tout véritable enfant de Dieu, quand il se marie, c'est pour qu'il vive en paix. Maintenant, regarde. Toi, tu es avec ton mari à la maison. Le mari te paie quelque chose. Il t'apporte cela. Et là, toi, tu regardes cela. C'est ce que tu as payé. Cette eau-là. Moi, je n'aime jamais boire cette eau. Et non, je n'aime pas. Je n'aime pas cette pièce de pain. Il fallait me payer. Aujourd'hui, ce n'est pas le temps où le mari doit aller payer. Toi, tu me prends pour une fillette, un petit temps. Ça, tu veux me traiter comme tes fillettes, tes filles. Cette pièce de pain là, tu vas chercher à qui donner ça. Moi, Bibi Angu, Dieu les millions, c'est ce que j'ai trouvé quand j'étais apporté ces pagnes-là. Je l'ai dit. Dieu a matendo le bantu wana posaka. Dieu a matendo le bantu wana fanyaka pour les actes de la quelque part. Influencé, ou yakufutu wana fazi fulani, influencé par quelque part. Est-ce que tu comprends moi? Est-ce qu'on est ensemble? Mungu vade umbariki. Que Dieu vous bénisse. Asema chérie. Il dit Bibi Angu. Dieu il est millions. Voilà le pagne que j'ai trouvé. Millions, c'est mes taquenets. J'ai trouvé que ça pouvait bien te plaire. On a pendaka yaje. Tu as toujours aimé quel genre de pagne? Ah, répondre sur le vouloir. Est-ce que vous me suivez? Déjà, il est attitude yaki. Il est hali ya muke. Il a ribisha atmosphère. Il a détruit ndalili ya pale. Angaria frère. Regarde mon frère. Masauti. Les propos. Maneno yote. Toutes les paroles. Matendo yote. Tous les actes. Ya kuharibisha atmosphère. Qui cache l'atmosphère. Il est pas tu vari kwa nayo. Dans laquelle les gens se trouvaient. Il a toqué à quoi en faire? Il a toqué à mungena. Est-ce qu'on est ensemble? Même quand tu veux faire le rapport à ton mari, si le rapport que tu fais, il arrive à l'atmosphère, il est influencé de quelque part. Si le rapport que tu fais, il est en train de faire une phase fulani. Est-ce qu'on est ensemble? Mes soeurs, est-ce que nous sommes ensemble? Toi, tu as fait seulement les rapports à ton mari. Mais il a changé l'atmosphère. Maintenant, il a badiri. Ah, rapport avec quoi bien? Alors, le rapport n'a pas été bien fait. Ce n'était pas un bon rapport. C'est pourquoi mutoto wa Mungu abia kweli. Toute fille véritable de Dieu. Même quand elle veut parler. Anekalaka mbele na pima kila kitu. D'abord, il doit examiner la chose. C'est la vérité. Ibia kweli. Parce que tuko ba Kristo. Car nous nous sommes des chrétiens. Maisha yetu. Notre vie. Haiweze kuya mu service ya shetani. Ne peut pas être au service du diable. Apana frère. Non nduku. Apana dada. Non ma sœur. C'est la vérité. Ibia kweli. Comment expliquer wewe? Unaweza kusema namna gani? Kila wakati kama mnataka kusumuria mnyumba. Toutes les fois quand vous voulez parler, vous entretenez dans la maison. Il faut pas bila bilete makokotano. Il faut que ça suscite des discordes. Apana? Non. Est-ce que tu pamoya? Est-ce qu'on est ensemble? Apana? Non. Kuko kitu kimoya derrière ile mambo. Il y a quelque chose derrière ça. Angaria frère. Regarde mon frère. Ba Kristo. Les chrétiens. Kama bananza kusumuria. Lorsqu'ils s'entretiennent. Ndani yabo munakalaka munalamukaka atmosphere moya. Ane, il est na bakaburia kafura. Il leur apporte la joie. Na iko na bakaburia courage. Il leur apporte le courage. Na ina bakaburia ka onction. Na upako. Na bana pela paka bendele mukusumuria. Continuer toujours à parler, à s'entretenir. Peut-être katikati yetu. Peut-être parmi nous. Kuko banduku na badada. Il y a des frères et sœurs. Bale bacha kuingia mwele communion ya banduku. Qui ont déjà expérimenté une telle communion de frères. Que Dieu vous bénisse. Quand vous entretenez avec le frère, vous entretenez avec la soeur. Il y a deux fois où Ndouku, frère, on a sema kintu. Le frère dit quelque chose, la soeur dit autre chose, na we, on a sema kintu. Et toi aussi tu dis quelque chose. Ndouku, vous entrez dans les paroles de la parole de Dieu. L'onction descend. Frère, Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi ça va battre Christ, pour laquelle, frère. En tant que chrétien, Ndoukou, matendo yote tu kuna pose. Tous nos actes, il faut tu kuna juliza inatoka wapi. Nous devons nous poser des questions, c'est influencé par quoi? Ça vient d'où? Atura ma instrument ya shetani. Nous ne sommes pas les instruments du diable, atuna vyombo vya shetani. Atuna instrument ya shetani, frère. Si, atuna vyombo vya shetani. Shisa ba Christo. Nous, en tant que chrétien, s'il y a des endroits où les gens aimeraient aller rester, c'était dans nos foyers, dans nos maisons. Est-ce qu'on est ensemble? Nous, en tant que chrétiens, voyez-vous au temps d'Israël, toutes les autres nations, il y a des gens qui avaient découvert que Dieu avait béni Israël. Ils quittaient leur pays. Dieu a Israël. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi? Parmi eux, il y avait Dieu. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons examiner tout acte que nous posons, que ce soit en parlant, que ce soit dans notre façon de penser ou en agissant, ne soyons pas au service du diable. Parce que dans tout ce que nous faisons, il y a une fin. Tout ce que nous faisons, oui, frère. Ndiondoukou, tout ce que nous faisons, Dada, ça a une fin. De la manière dont nous vivons, par où est-ce que nous allons finir maintenant? Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, bientôt il revient. Tout est ici à Wapi. Où est-ce que nous allons finir? Ma conflit, ma kokotano, c'est parler en mal. Toutes ces choses-là, Ndoukou. En fin de compte, c'est quoi? Nous devons d'abord nous demander. Ceux qui ont une mauvaise vie, ils vivent des duplicités, ils ne veulent pas arrêter. Vous voyez un homme, Ndoukou. Il est marié, mais il va se débaucher, se prostituer. C'est grave. Niatari. Vous voyez un frère, une toute femme. Ni Bibi. C'est une femme pour, c'est une concubine pour elle. Il donne des grossesses ici. Il a des enfants partout comme un cochon. La fin de cette vie pareille, c'est où? Parce que chaque chose a une fin. Si tu mourais, où est-ce que tu vas aller? Avec une telle vie-là bestiale, une vie de bête, une vie de débauche, une vie de dispute. Maisha ya makelele. Il vit des querelles. Frère Mouktoto wa Mungu. Un enfant de Dieu. Ashipendake makelele. Il n'aime jamais les querelles. Est-ce que tu vois? Est-ce qu'on est ensemble? Mouktoto wa Mungu ashipendake makelele. Un enfant de Dieu n'aime jamais les querelles. Oui, frère. Dio Ndoukou. Parce que makelele, frère. Les querelles Ndoukou. Iko na jibiria bato ata kuomba. Obstruit même aux gens, empêche même aux gens de prier. Frère Munyumba mule mukuba makelele. Dans un foyer où il y a des querelles, il n'y a pas la vie de prière. C'est la vérité. Ibia kweli. Omutaomba je. Comment allez-vous prier? Comment est-ce que vous allez prier? L'un achope l'autre scandalise. Arrêtons d'abord avec cette vie-là. Jésus-Christ revient. Et à une telle vie, où est-ce que nous allons finir? Posons-nous cette question. Où est-ce que nous allons terminer? Finir? Car chaque chose a une fin. Où est-ce que nous allons finir? Si tu mourais dans cet état-là, tu vas te perdre. Où est-ce que tu iras? Tu penses que la mort c'est une plaisanterie, c'est une blague? Ce n'est pas une blague. Dès que tu meurs dans le péché, tu es perdu là, tu es mort comme une bête. C'est la vérité. Il faut que pendant que nous avons encore la vie, tous les fardeaux qui sont très lourds pour nous, nous puissions les déposer pour avoir Jésus-Christ. Parce que si nous mourons, il y a une promesse pour Malako et Afufuko en Jésus-Christ. C'est la vérité, frère. Ceux qui ont compris au temps de la Bible, frère, Ndoukou, Bari sacrifié biote. Ils ont tout sacrifié. Bari to abiote. Est-ce que tu pas moi? Est-ce qu'on est ensemble? Angara mutusa Ibrahim. Voyez un homme comme Abraham. Angara mutusa Job. Un homme comme Job. Mumashiku yake. Dans leur séjour, dans leur jour. C'est ni bantu. Ça dit ce sont des bari gens. Bari pendaka babaji qui est pas qu'en Palestine. Bari pendaka qu'il soit enterré toujours en Palestine. Que Dieu vous bénisse. Jubari juaka kusema. Il savait que kuko malako ya ufufuko. Il y a une promesse de résurrection. C'est la vérité. Nibakweli. Mutusa Jacob. Un homme comme Jacob. Il était loin en Égypte. Que Dieu vous bénisse. Mais peu avant sa mort, il a appelé son fils Joseph. Ce n'était pas des sketchs de théâtre. Non, non. Pose ta main dans sur ma cuisse. Jure-le-moi. Si je mourais, Joseph, mon fils, ne m'enterre pas en Égypte. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, cet homme de Dieu. Il avait trouvé que ce qui était important, c'était de mourir là où il y avait la résurrection. C'est ce qu'il avait trouvé d'essentiel. C'est pourquoi dans toute sa vie, il faisait jurer à son fils. Ce n'était pas de théâtre qu'il faisait. Que Dieu vous bénisse. Lorsqu'il mourut, on a gardé ses os. Car Dieu les avait promis que dès que les années arrivent à leur terme, vous rentrerez en Palestine. Que Dieu vous bénisse. Ils ont gardé ses os. Joseph aussi. Kufa, avant sa mort, il a appelé ses enfants. Na il les a fait jurer aussi. Ne m'enterrez pas ici. Mina pas le je sais que quand les années seront vous rentrerez dans notre Mwende pays. Allez-y, m'enterrez toujours dans notre pays. C'est-à-dire, ce sont des gens qui disaient avec tout le sérieux. Mais les gens de les frères de cet âge de l'Odyssée, dans les actes, le matin de la tenda, il n'y a point de sérieux. C'est la vérité. Nibiakweli. Vous voyez un homme, il prend sa vie comme un jouet. Tu es insensé. Que Dieu vous bénisse. Tout frère et toute sœur, devrait sacrifier même ce monde. La vie de ce monde. La conduite des gens de ce monde. Parce que ça vit le dunia, il car, étant donné que le monde est perverti, le trafic du péché a un niveau. Et nous, en tant que chrétiens, travaillons, battons-nous pour gagner Christ dans notre vie. Kama unakufwa, car si tu mourais bila Rome takatifu, sans le Saint-Esprit, unapote. Tu es perdu. Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité. Kweli. C'est pourquoi, frère. Raison pour laquelle nous dans tout ce que nous faisons comme acte, même quand tu parles à quelqu'un, il ne faut pas parler avec plaisanterie. Amen. Voyez-vous, dans les chrétiens, il n'y a pas de chambouille, oh non, parce que je suis là, j'ai eu des jumeaux. Je me suis toujours étonné. Quand ils veulent parler, c'est de se parler comme de paraboles. Beaucoup de plaisanteries, beaucoup de blagues. Déplacer, ça c'est être païen. Parmi les chrétiens, il n'y a pas de propos déplacés comme ça. Amen. Parce que tout acte que l'homme pose, il répondra pour ça. C'est la vérité. Nibiakweli. Maisha tuko naishi frère. La vie que nous menons tu n'as pas kuibeba na maro yetu yote. De tout notre cœur. Mais kujua kusema kila tuko nafanya. Tout ce que nous faisons comme acte, nous irons répondre pour ça. Hapana kuishi saba jinga. Il ne faut pas vivre comme des insensés. Et tant de créatures temporaires. Muniduni au shituke kintu. Dans ce monde tu es insensé. Si tu mourais, où est-ce que tu vas aller? Il faut quoi sérieux na bujima wako. Na pasha ubebe maisha yako na kama unakufa bila Yesu Kristo. Si tu mourais sans Jésus-Christ. Bila biote ripata pa dunia. Tout ce que tu as obtenu, tu as eu dans ce monde. Ni bitu bia bongo sana. Ce sont des mensonges. Abiwezi kusaidia kintu. Ils ne peuvent pas t'aider. C'est la vérité. Ni bia kweli. Kiakabaila ndugu yangu na dada. C'est important, essentiel ma sœur, mon Léo frère. Leo kwa ndugu na bushima. Pendant que tu as encore la vie aujourd'hui. Ukuye na hakikisho ya destinée. Que tu aies la certitude sur ta destinée. Mushira kwa maisha, sommes-nous ensemble? Est-ce que ukuye na hakikisho? Que tu aies la certitude. Ya kusema hapa kama mimi nakufa. Pour dire que ici si je meurs, mitafufukaka. Je ressusciterai. Kama una na ile hakikisho. Si tu n'as pas cette certitude. Omba Mungu. Prie Dieu. Vila uya ombaka. De la manière dont tu n'as jamais prié. Est-ce que tu pas Est-ce qu'on est ensemble? Parce que auyue mashiku yako. Tu ne connais pas tes jours. Auyue shiku tatoka hapa dunia. Tu ne sais pas quel est le jour est-ce que tu vas quitter ce monde. Comment mtu anaishi tu sababu mbaka vai dunia. Comme un insensé sur cette terre. Mtu wa mashiku mfupi. Un homme temporaire. Eko na bintu bisha kumuyala mu maisha. Qui l'ont vraiment enlacé dans ce monde mais il ne veut pas arranger. Aina kitu kizuri. Ce n'est pas une bonne chose. Que Dieu vous bénisse. Tutaendelea. Nous allons continuer. Wakati vraiment isha kwenda. Le temps est tellement avancé. Ça va tu shibame juu ya kuomba. Arrêtons-nous, levons-nous pour la prière. Kila ndugu na kila dada anapasha kuwa na hakikisho. Chaque frère et chaque sœur doit avoir la certitude. Tuko naishi mu dunia moya ya ajabu, ya matata matata. Nous vivons dans un monde terrible où il y a des problèmes. Mule bantu beko na kufwa. Où les gens meurent. Saba nyama. Comme des bêtes. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas accepter que notre vie soit influencée dans Mahali Awaf. Non. Notre vie n'est pas un domaine du diable. Nous, notre vie doit être le temple du Saint-Esprit. Il faut léo et tombe mon. Il faut aujourd'hui que nous puissions prier à Dieu. À tous aider vie du coup en ordre. Afin que Maïsha et tu ou ça. Mais il est chic avant que ce jour-là ne nous arrive. Tombe mon chibote. Prions tous Dieu.